One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, bienvenue à une nouvelle séance de l'étude de Sourate An-Najm, le tafsir de Sourate An-Najm. Encore une fois, la science la plus noble, c'est d'étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullahi azza wa jal. On arrive à présent à la ayah numéro 5. On a déjà commencé à traiter des sens de cette ayah, mais on va aller avec un peu plus de profondeur, incha'Allah azza wa jal. Dans cette ayah, Allah ta'ala nous parle de celui qui a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a enseigné entre autres le Qur'an, le wahy, la révélation. Allamahu shadidul quwa. Il s'agit de Jibril alayhi as-salam, que Allah ta'ala il décrit ici comme étant shadidul quwa. Alors c'est quoi shadidul quwa? Al quwa, c'est le pluriel de al-quwatu, c'est les forces. Jibril alayhi salam, c'est une créature extrêmement forte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la force que Allah azza wa jalla lui a accordée. Et non seulement fort, mais Allah ta'ala il ajoute ici quoi, le mot shadid. Shadid, c'est beaucoup, très très très très fort. Shidda ici, c'est pour donner quoi, de encore plus de la force à quelque chose. OK? Shiddatul huzni, il y a le huzn, la tristesse, il y a shiddatul huzn, la tristesse extrêmement forte, shidda, shadid. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Shiddatul khawf, al khawf c'est la peur. Shiddatul khawf, c'est la peur très très forte. Shiddatul farah, min shiddatil farah, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'homme qui s'est trempé pour remercier Allah Ta'ala, il a dit quoi? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton seigneur. Le prophète, il a inversé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Akhta'a min shiddatil farah. Il s'est trempé tellement sa joie était extrême. Il a perdu le contrôle de ses mots. Ici, shadidul quwa, Jibril alayhi salam, Allah Ta'ala, il le décrit comme étant celui qui est d'une force très très forte, très puissante, très puissante créature d'Allah Azza wa Jal qui est Jibril. Si c'est Allah Ta'ala qui décrit Jibril comme ça, ça veut dire encore une fois la puissance que Allah Ta'ala il a accordée à Jibril alayhi salam, ça dépasse notre imaginaire. C'est Allah Ta'ala qui le décrit comme ça. C'est pas quelqu'un, c'est pas nous on va décrire quelqu'un, on dirait très très fort. Allah Azza wa Jal décrit Jibril alayhi salam comme ça. Taï, on a mentionné plus tôt dans la dernière séance que dans d'autres ayats, Allah Ta'ala nous dit que Jibril alayhi salam, il est muta', on lui obéit, et il est aussi quoi? Amin, al-amana. Amana, c'est quelqu'un qui mérite notre confiance, quelqu'un d'intègre, l'intégrité. Les deux points à combiner, les deux conditions d'une personne qui est, comment on peut dire ça, de ton candidat idéal pour n'importe quel rôle, c'est quwa amana, à écrire. Ça c'est dans le Coran, tafsir du Coran, et en même temps c'est quelque chose qui va toujours servir dans la vie de tous les jours. Tu cherches, tu veux embaucher quelqu'un pour ta compagnie, tu cherches qui? Al-qawi, al-amin. Parce que la fille qui a fini par épouser Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'elle a dit à son père? قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Ya Allah, elle dit à son père, engage-le pour les services, embauche-le en quelque sorte, parce que il est quoi? Qawi et Amin. Il y a quelqu'un qui est fort mais qui n'est pas intègre. Lui, il est dangereux. Si quelqu'un, il est fort, mais on ne peut pas lui faire confiance, c'est quelqu'un de dangereux. On ne lui fait pas confiance, et en plus de ça, il est fort. Ça, c'est source de danger. Il y a celui qui est intègre. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a celui qui est intègre. On peut lui faire confiance, mais il est faible. Quelqu'un de très gentil, de très honnête et tout, mais il est faible. Et cette force-là, la question de la force et de la faiblesse-là, elle est relative. Ça dépend de la situation. La force peut faire référence à la force physique ou ça peut faire référence à la compétence en tant que telle. Donc la force, ça peut être les connaissances de quelqu'un. Donc c'est pas toujours qu'on a besoin de la force physique. Parfois c'est les compétences de quelqu'un. Ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un de compétent. Mais on veut quelqu'un de compétent et de et d'intègre. Pas quelqu'un de compétent mais de malhonnête. On veut pas d'une telle personne. Jibril alayhi salam, il est shadid al-quwa, très très fort, et il est quoi aussi? Aminun. Il est intègre. Allah Ta'ala, c'est lui qui lui donne cette confiance. À Jibril alayhi salam, c'est pour ça qu'il est le messager entre Allah Ta'ala et ses prophètes alayhi salatu wa salam. Les ulama, ils mentionnent entre autres parmi les leçons, bien parmi les commentaires qu'ils mentionnent à partir à propos de cette ayah, أَنَّ مَدْحَ الْمُعَلِّمِ مَدْحٌ لِلْمُتَعَلِّمِ. Faire les louanges de l'enseignant, c'est faire aussi les louanges de son élève. Pourquoi? فَلَوْ قَالَ عَلَّمَهُ جِبْرِيلُ وَلَمْ يَصِفْهُ مَا كَنَ يَحْصُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ. Allah Ta'ala n'a pas dit seulement, celui qui lui a enseigné c'est Jibril. Non, Allah Ta'ala il a fait les louanges de Jibril. C'est quoi les qualités de Jibril alayhi salam? Parce que ces qualités-là sont transférées aussi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui a eu comme enseignant. Prenez ça enseignant dans le sens le plus large dans la vie. Parle pas seulement enseignant, quelqu'un il a fait un cours à l'université avec un enseignant. Non, un enseignant, ça, on va te dire ça c'est ton enseignant. Ton coach, celui qui a été avec toi pendant plusieurs années. Si ton enseignant, il est faible, toi, tu vas devenir quoi? Faible. Si ton enseignant, il est peureux, tu vas être peureux. Si dans la vie, tu as appris d'un enseignant courageux dans la vie, quelqu'un qui t'a accompagné dans la vie, t'a appris la vie, t'a fait partir à droite, à gauche, et il est très courageux. Fort probable que toi aussi, tu deviens courageux. Donc, l'enseignant, très souvent, il va faire... Il va passer l'héritage de ses qualités aux personnes qui prennent de lui. Donc ici, Allah Ta'ala, il fait les louanges de Jibril alayhi salam. Ça aussi des louanges au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. وفيه أيضا ردا عليهم حيث قالوا أساطير الأولين سمعها وقت سفره إلى الشام. Une réplique aussi ici aux mouchriquins qui ont prétendu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam, certains parmi eux, ils ont dit: où est-ce qu'il a amené toutes ses connaissances, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ah, il a appris tout ça lorsqu'il est parti en voyage vers Hachem, au Levant, pour faire le commerce. C'est là où il a appris d'un homme qui s'appelle Bahira. C'est lui qui lui a appris beaucoup de choses à propos des prophètes et des histoires des prophètes, et ainsi de suite. Alors Allah Azza wa Jal, il leur répond que celui qui lui a enseigné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un homme, c'est Jibril alayhi wa sallam. Combien de temps ça nous prend pour apprendre le Coran et pour bien le connaître? Combien de temps ça nous prend? Toute une vie, n'est-ce pas? Il faut spécialiser longtemps, il faut étudier beaucoup pour connaître le Coran et le tafsir du Coran et les histoires. Est-il raisonnable, logique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un voyage de commerce vers Shem, il a rencontré juste un homme comme ça, un chrétien, quelques jours, il est revenu, il connaît tout ça? Aucun sens, ça ne fait aucun sens. Wadih. Wa anna ahadahum idha intadaba ghayrahu fi amrin min al-umuri li risalatin aw wilayatin aw wakalatin aw ghayriha fa inna ma yantadibu laha al-qawiy 'alayhi al-amin 'ala fi'lihi. Donc ici, encore une fois, les savants, ils te parlent de comment est-ce que nous on peut être inspirés de tout ça. Que si tu as besoin d'un messager dans la vie, tu veux transmettre un message important à quelqu'un d'autre, cherche un messager qui est intègre et qui est compétent. Celui qui est intègre mais qui n'est pas compétent, mourafel. Tu lui dis une chose, il va oublier des détails importants, il va dire autre chose à l'autre personne. Ne devrait pas être un messager. Ou quelqu'un qui n'est pas intègre, il va volontairement peut-être omettre certains détails, certaines informations. La même chose pour al-wakala ici. Al-wakala, c'est si tu fais une certaine procuration à quelqu'un d'autre. Tu lui donnes une responsabilité subordonnée. Je te donne le droit de signer à mon nom, de prendre certaines décisions à mon nom. Assure-toi que ce soit quelqu'un qui est qawiyun, amin. وهذا أيضا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه. Dans cette ayah, il y a, vu que ça parle d'intégrité et de surtout, excusez-moi, pas d'intégrité dans cette ayah, l'intégrité c'est dans l'autre surah, mais ici dans surah Al-Najm, ça parle de shadid al-quwa, la force. Eh bien, dans ça aussi, il y a le louange. Ça parle des qualités des louanges de celui qui a envoyé, c'est Allah Azza wa Jal, celui qui a reçu le message, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'intermédiaire Jibril alayhi sallam, mais aussi le message. Tout ça, c'est inclus dans les louanges qui sont dans cette ayah. فَإِنَّ الْمُلُوكَ لَا تُرْسِلُ فِي مُهِمَّاتِهَا إِلَّا الْأَشْرَافَ ذَوِي الْأَقْدَارِ وَالرُّتَبِ الْعَالِيَةِ. Il dit car les moulouks, les rois, les dignitaires, n'envoient comme ambassadeurs et comme messagers que les plus nobles. Ils ne vont pas prendre n'importe qui pour l'envoyer comme. Et si c'est la même chose. La ayah après la ayah numéro 6, Allah Azza wa Jal, il dit ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى. La même chose ici, description de Jibril alayhi as-salam. Jibril alayhi as-salam, il est décrit comme étant ذُو مِرَّةٍ. Les deux lettres ici, ذُو. Est-ce qu'on peut écrire ça? On peut enlever Al-Hawa. Les deux lettres ici qui sont ذُو. Qui peut nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vous rappelle ça? N'importe quelle chose que ça vous rappelle, n'importe quel mot, non? Comme ذُو الْقَرْنَيْن. On connaît l'histoire de ذُو الْقَرْنَيْن, surat al-Kahf. Donc comme il dit aussi notre frère, c'est celui qui. Celui dont. Quand on dit ذُو, celui qui a. Ça peut être ذُو, ça peut être ذَا. ذُو ou ذَا, selon le Arab, selon sa situation. Dans, ok, donc ذُو الْخُلُقِ ذُو الْخُلُقِ الْحَسَن. L'homme au bon comportement. Donc, ici, Allah Ta'ala parle de Jibril alayhi salam que ذُو مِرَّةٍ. Celui qui a مِرَّة. C'est quoi مِرَّة? Ils disent la même chose ici. مِرَّة أي قُوَّةٍ وَشِدَّةٍ. La force, la puissance. مِن أَصْلُ الْمِرَّةِ مِنْ أَمْرَرْتُ الْحَبْلَ أي شَدَدْتُ فَتْلَهُ. Alors ils disent ici, c'est parce que dans la langue arabe, al-mirra, c'est lorsque tu vas vraiment bien serrer un câble, par exemple, un fil. والمرة تطلق على قوة الذات وتطلق على متانة العقل وأصالته. Le mot mirra fait référence à la force physique, mais aussi fait référence à la force de la raison, de la connaissance, de l'esprit de quelqu'un. Donc c'est pas seulement ce qui est concret, c'est aussi l'aspect subjectif et abstrait d'un être, d'une personne. Et aussi certains ulama, ils ont dit ذُو مِرَّةٍ. Ça réfère à la beauté, ça veut dire Jibril alayhi salam, il est très très beau. Allah Azza wa Jal, il lui a accordé la beauté. أي إن جبريل ذو جسم قوي صحيح سالم من النقص حسن الخلق جميل ظاهرا وباطنا. Que Jibril alayhi salam, Allah Ta'ala lui a donné une création très très forte, très puissante, parfaite. Il n'y a pas d'imperfection dans l'être de Jibril alayhi as-salam, dans le sens d'imperfection physique. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faiblesse physique ou autre chose. Et qu'il est beau, Jibril alayhi as-salam. Hasanu al-khalqi, à l'intérieur et à l'extérieur. Jibril alayhi as-salam. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى. Allah Ta'ala nous dit que Jibril alayhi as-salam istawa. Le mot istawa ici, pardonnez-moi deux secondes, je cherche comment c'est traduit habituellement parce que c'est pas un mot facile à traduire. Bon, ils disent ici de, qu'il s'est montré sous sa forme réelle. Excusez-moi. Il s'est élevé, oui, on peut dire il s'est élevé. Dans la langue arabe, ils disent istawa ay'tadala wastaqama fi suratihi al-haqiqiyya. Ça veut dire c'est comme s'il s'est présenté en toute droiture, en toute clarté, dans sa vraie forme dans laquelle Allah Azza wa Jalla il l'a créé. Irtafa wa ala. Il est monté, il était comme ça visible dans la hauteur. وأصل سوي يدل على استقامة واعتدال بين شيئين. Parce que استوى, ça vient du mot سوي. سوي dans la langue arabe, c'est quelque chose qui est bien droit. Bien, c'est le juste milieu. Quelqu'un qui est مستوي, سوي, ça veut dire il est bien droit, bien réglé. Vous comprenez, ça c'est le mot ici de الاستواء. فاستوى أي على لأن جبريل عليه السلام ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعد إلى السماء. شيخ ابن عثيمين رحمه الله comme ici ils disent dans le tafsir, استوى, ça veut dire il est monté vers le haut. Il dit parce que جبريل عليه السلام il descendait vers le prophète محمد صلى الله عليه وسلم, il faisait la révélation au prophète صلى الله عليه وسلم, après ça il remontait vers le haut, vers le ciel. عوى أي على. وقيل فاستقام على صورته الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط الوحي. Donc là, une autre opinion ici qui est importante, c'est que là, certains savants, plusieurs savants plutôt, pour être plus précis, ils parlent ici de l'instant, du moment où Jibril alayhi salam, il s'est exceptionnellement illustré, montré devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous sa vraie forme. Ça veut dire la vraie forme de Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, la norme, il se présente pas sous sa vraie forme angélique au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Très souvent, il venait sous la forme d'un être humain. Et même un être humain qui ressemblait à un compagnon qui s'appelle Dihyatu al-Kalbi. Donc ça, c'est la forme sous laquelle venait Jibril. Parfois, Jibril alayhi salam, il venait et il se présentait pas sous sa forme physique. Les sahaba pouvaient seulement l'entendre, mais ils pouvaient pas l'entendre, pouvaient entendre l'impact de sa révélation. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Ils pouvaient juste voir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en sueur, par exemple, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Mais exceptionnellement, Jibril alayhi sallam, il s'est montré au prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit هنا, استوى في أفق السماء على صورته التي خلق فيها وكذا قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وعلقمة ومرة ابن شراحيل وأكثر أهل التفسير والحسن وعن الحسن البصري. Donc la plus grande majorité des savants, ils disent que ça parle de Jibril alayhi salam lorsqu'il s'est illustré sous sa forme réelle. Ça c'est par exemple, on connaît l'histoire dans la sira, on l'a couvert juste après le début de Al-Wahy, quelques temps après le début de Al-Wahy, début de la révélation. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il marchait dans le désert de l'Arabie de Mecca, pas loin de Mecca, lorsque soudainement, Jibril, alayhi salam, il s'est illustré devant lui, alayhi salatu wa salam. Il s'est présenté devant lui, mais il était dans le ciel. Il remplissait l'horizon, Jibril, alayhi salam, et le prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu sous sa forme formidable, exceptionnel, qui est la forme réelle sous laquelle Allah Azza wa Jal il l'a créé. وعن الحسن البصري أنه الله تعالى. Là, l'opinion minoritaire, on la mentionne si seulement vous entendez parler de ça, que l'Hassan al-Basri, c'est pas mal, c'est plus que minoritaire. C'est comme on dit ici, odd opinion, قولٌ شاذٌ, que ça arrive parfois que certains savants se trompent et il a, va dire, une opinion qui est contraire à la masse des savants. Ça arrive. Ce n'est pas de façon volontaire. Et l'opinion sera rejetée, bien sûr, dans une telle situation. Al-Hassan al-Basri a dit que cette ayah-là, elle parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas de Jibril alayhi as-salam. Fastawa ay Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir tout à l'heure, inshallah ta'ala, que ça, ce n'est pas une opinion qui se tient même selon le Qur'an ici, le contexte des ayats. Ayah numéro 7. Wa huwa bil ufuqi الأعلى أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض وقيل أفق مشرق الشمس والأفق ناحية السماء. Donc où est-ce qu'il était Jibril alayhi salam lorsqu'il s'est comme ça illustré en toute droiture, en toute beauté? Il était dans le ufuq. Ufuq, c'est l'horizon. Mais Allah Ta'ala nous parle de l'horizon, al-ufuq, le plus haut, al-a'la, celui qui est. Il y a l'horizon le plus bas. Ça, c'est l'horizon quand on regarde à travers la terre. Donc, imaginez si vous êtes devant l'océan, comme ça, à la plage, il y a l'océan devant vous. Vous allez voir tout droit. Ça, c'est l'horizon. Là où on peut plus, c'est comme une dernière ligne, comme ça, de l'eau. Ça, c'est l'horizon sur terre. Mais après ça, il y a al-ufuq al-a'la. Il y a l'horizon qui est en haut. dans le ciel. Ça veut dire Jibril alayhi salam ne s'est pas illustré sur cette terre. Il s'est illustré, il était haut, il était au ciel. Jibril alayhi salam, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam, il l'a vu. Et certains savants, ils ont dit que il s'est illustré du côté de l'est, du lever du soleil. Jibril alayhi salam. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. Après ça, Allah Ta'ala, il dit, subhanahu wa ta'ala, thumma, c'est quoi thumma? Qu'est-ce que ça veut dire thumma ici, le mot thumma? Puis, thumma, c'est l'ittaqib, c'est quelque chose qui arrive après, ordre chronologique. Il a fait telle chose, après ça, il a fait telle chose. Thumma dana fatadalla. Dana, il s'est approché. Qu'est-ce que ça vous rappelle ce mot, dana, dans la langue arabe? Qu'est-ce que ça vous rappelle comme mot qu'on connaît tous et qu'on utilise très très souvent? Oui? Exactement. Donc, dunya, hayat ad-dunya, la vie de la dunya. Comment on l'a traduit en français? On dit la vie de ce bas monde, le bas, hayat ad-dunya, le bas. Donc, dana ayqtarab, quelque chose qui se rapproche de toi. Pourquoi est-ce qu'on appelle hayat dunya? Parce que c'est elle qui est la plus proche de nous, on la côtoie. Après ça, il y a l'akhira, la dernière, la finale. Il y a as-sama ad-dunya, le ciel le plus bas, le plus proche de nous. C'est la même chose. Après ça, il y a les cieux qui sont plus élevés que cela. Donc Allah Ta'ala, il dit que après ça, lui, ça veut dire Jibril alayhi salam, dana fatadalla. Ay dana wa qaruba, il s'est rapproché du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At-tadalli huwa an-nuzul ila shay'in hatta yaqruba minhu. Dana fa tadalla. Le mot tadalla, tadalli, c'est lorsque quelque chose, elle descend, mais elle reste suspendue en même temps. Imaginez quelqu'un qui est sur un arbre. Après ça, il va descendre un peu pour se rapprocher de nous, pour nous dire quelque chose. Mais il va rester suspendu à l'arbre. On appelle ça quoi? Tadalli. Il est descendu, mais en même temps, il est quoi? Suspendu. Il tient encore, il est suspendu au ciel comme ça. On appelle ça tadalli. Ayqtaraba Jibril min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tadalla ilayhi faqtaraba minhu akthara hina habata ilayhi min as-sama' ila al-ard liyuhya ilayhi ma sha Allah. Pourquoi il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour lui faire le wahy, pour révéler au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ici dans la narration authentique, Aisha radiyallahu anha, elle dit à propos de cette aya, thumma dana fatadalla. ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. Elle dit que cette ayah, elle parle de Jibril qui venait très souvent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, normalement sous la forme d'un homme, mais que cette fois-ci il est venu sous sa forme réelle. فسد, il a rempli l'horizon. Jibril alayhi salam, prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait voir que Jibril alayhi salam, il a rempli complètement l'horizon, l'horizon du ciel. طيب استند أيدنا عند حراء comme on a dit que Imam Ibn Atiyah, il nous mentionne ici que ça c'était lors, juste après la révélation. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il nous dit que لم تكن هذه الرؤية ليلة الإسراء, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi salam une fois après la révélation devant, proche de Hira, autour de la Mecque. Et la deuxième fois, il a vu encore Jibril alayhi salam lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra, comme dans la chaîne YouTube qu'on a, Isra Lights. Les gens, ils pensent Isra, ils pensent c'est Israël. Ils voient Isra. Oui, Akhi. Oui, Israël, c'est le nom du prophète Yaqub alayhi salam. C'est pour ça qu'il y a certains savants, ils disent qu'on ne doit pas appeler ça Israël, l'état de Israël. Afouan? Oui, c'est ça. C'est Yaqub alayhi salam, exactement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Isra. Isra, c'est le voyage nocturne. De Mecca vers Jérusalem. Baytul Maqdis. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, il y a fait quoi? Al-Mi'raj. C'est quoi le Mi'raj? c'est l'ascension. C'était la deuxième étape de cette expérience. Allah Ta'ala, il l'a fait élever vers très très haut, comme on va voir dans les ayats après, inshallah. Parce que ce mi'raj, il est cité ici dans sourate An-Najm. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté très très haut, là, il a vu encore une fois Jibril alayhi salam sous sa forme réelle. C'est clair? Alors ici, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il nous parle que cette ayah, elle parle de cette première fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi salam, même s'il y a la deuxième opinion qui dit que... ici, la deuxième opinion, regardez. Ça, c'est ce que je voulais partager tout à l'heure quand on a parlé de l'opinion de Hassan al-Basri. C'est ça que je voulais faire un commentaire ici, bien sûr, pas mon commentaire, mais ce que les savants, ils ont dit. Il y a certains, comme on a dit, comme Hassan al-Basri, ils disent que ici, la ayah, elle parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah azza wa jal, thumma dana fatadalla. C'est lui qui s'est rapproché du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne parle pas de Jibril alayhi wa sallam. Ça parle que Allah ta'ala s'est rapproché du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de la nuit de al-Mi'raj, lors de cette expérience-là de l'ascension. Mimman qala bidhalika muqatil ibn Sulayman. Alors ici, l'imam Ibn Rajab, rappelez-vous bien de l'imam Ibn Rajab, celui qui a le livre sur Jami' al-Ulum al-Hikam, science et sagesse, les grands hadiths qu'on utilise depuis quelques années, alhamdoulilah. Bien, l'imam Ibn Rajab, il a son propre commentaire, son propre charh sur Sahih al-Bukhari, qui s'appelle Fathul Bari, tout comme l'autre encyclopédie de l'étude de Sahih al-Bukhari, qui s'appelle Fathul Bari, de l'imam Ibn Hajar. Donc il y a Ibn Rajab, Ibn Hajar. Donc le Fathul Bari qui est connu, c'est celui de l'imam Ibn Hajar. Ça, c'est l'encyclopédie par excellence de l'étude du hadith. Comme ils disent les ulama, la hijrata ba'd al-fath. Le jour où l'imam Ibn Hajar il a écrit son livre Fathul Bari, ce n'est plus nécessaire de voyager pour étudier la science. Fini. Dans ce livre-là, il a amené les ajaib, des secrets de la connaissance de tous les domaines. Il les a mis dans Fathul Bari de Imam Ibn Hajar, étude de Sahih al-Bukhari du début jusqu'à la fin. Beaucoup, beaucoup de tomes, dépendamment bien sûr de quelle publication, ça peut aller 18 tomes ou 20 tomes ou autre chose. Mais Imam Ibn Rajab, celui qui a fait l'étude des 40 hadiths, a fait son propre Fathul Bari. Probablement meilleur que celui de Ibn Hajar. Plus élaboré. Toutefois, malheureusement, rahimahullah, il est mort avant de finir ce livre-là. Donc, il n'a écrit qu'une petite partie de Fathul Bari de l'imam Ibn Rajab. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Rajab dans Fathul Bari, rahimahullah ta'ala? Il dit que dans la narration de Shariq Ibn Abi Namir, la narration de l'un des narrateurs à propos de ce hadith, qu'est-ce que ça dit? ثُمَّ عَلَى بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَ الْجَبَّارُ رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى فيما يوحي 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. Donc dans cette narration de ce hadith de Anas ibn Malik, écoutez bien ça, okay? Si vous avez des questions, je peux répéter. Le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. Narration de Anas ibn Malik, le compagnon, qui nous dit que lors de l'ascension, Dana al-Jabbar, celui qui s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-Jabbar, c'est Allah azza wa jalla. Il s'est rapproché du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa awha fi ma yuhi ilayhi, il lui a révélé entre autres les 50 salats à chaque nuit et jour. Comme on le sait, la salat, elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'obligation lors de cette nuit-là de al-Mi'raj. Et comme on le sait, la salat, initialement, elle était combien de salat obligatoires? 50. Allah Ta'ala nous a imposé initialement 50 salat par jour. Et à chaque 10-15 minutes, on va dire, on va faire la salat, on arrête. La salat revient à nos occupations. On va faire la salat. Après ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il descendait Moussa alayhi salam, il arrêtait pour dire, j'ai essayé Banu Israël avant toi et je sais comment les gens y sont. Irja ila rabbika fasalhu takhfif. Reviens chez ton Seigneur, demande-lui de t'alléger. Et on voit ici la miséricorde des prophètes. Moussa alayhi as-salam, il a été la cause de la réduction de nos salawat. Il est revenu auprès d'Allah azza wa jall et réduit jusqu'à ce qu'il ait atteint 5 salats. et hunna khamsun wa hunna khamsun. Elles sont 5, mais auprès d'Allah Azza wa Jal, elles sont équivalentes à 50. Le hadith, encore une fois, est dans Sahih Bukhari, il est hautement authentique, il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que le détail qu'on est en train de débattre ici, c'est juste une seule lettre. Et là, c'est une très bonne pratique des sciences du hadith pour les gens. Je ne sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y a encore parmi nous qui étaient là dans Nukhbat al-Fikr, les sciences du hadith? Non? Il n'y a plus de vétérans. Donc, c'était dans cette même salle qu'on faisait Nukhbat al-Fikr, les sciences du hadith. Donc, quand on a fait les sciences du hadith, on a parlé un peu de la question du hadith authentique, de l'authenticité, ainsi de suite. Et les savants sont tous d'accord que Bukhari et Muslim, c'est des livres qui sont, en théorie, pour simplifier la chose, à 100% authentiques. Pour les spécialistes, on ne va pas dire à 100% authentiques, ils vont dire à 99,99% authentiques. Ça veut dire, ils disent les ulama, illa ahrufan yasira. Il y a à peine quelques lettres des hadiths qui sont dans Bukhari ou dans Muslim qui sont sujets à débat entre les savants. Ce qui n'enlève bien sûr aucunement la validité de ces livres en tant que tels. C'est clair, un livre qui est à 99,99% authentique et qu'il n'y a que quelques mots à peine qui font tout débat entre les savants, c'est merveilleux ça. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une autre religion dans le monde qui a ça? Que ces narrateurs, ces historiens, ces savants s'accordent sur tout, mais 0,01%, ça, on va faire un grand débat. Parce que ce mot, voilà un exemple ici. On parle de quoi exactement? Alors, Imam Ibn Rajab, entre autres, Imam Ibn Rajab, c'est un grand savant de hadith, de il al-hadith, un grand critique de hadith, il dit وَقَدْ تَفَرَّدَ شَرِيكٌ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ وَهِيَ مِمَّا أُنْكِرَتْ عَلَيْهِ فِيهِ. Dans la narration de Anas ibn Malik, donc ici, celui qui a rapporté le hadith, c'est bien sûr Anas ibn Malik. C'est qui Anas ibn Malik? Qui Anas ibn Malik? Anas, c'est qui? Anas ibn Malik. Regardez, s'il y a quelque chose de facile à apprendre, on peut facilement l'apprendre et apprendre son contraire. On a Malik ibn Anas. Malik, fils de Anas. Ça, c'est Imam Malik. Tout le monde connaît Imam Malik? Donc, lui s'appelle Malik ibn Anas. Il y a le contraire, celui qui est plus important que Imam Malik ibn Anas, c'est Anas ibn Malik. Ça, c'est parmi les grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Khadimun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur, celui qui était toujours au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Anas, vous avez toujours trouvé dans les livres de hadith, toujours rapporté par Anas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Quand ça parle de Anas, c'est Anas ibn Malik, c'est clair. Donc ici le hadith, c'est le hadith de Anas ibn Malik, celui qu'on vient de mentionner ici sur l'ascension et les 50 salats et ainsi de suite. Mais parmi, dans les chaînes de narration ici, parmi ceux qui ont rapporté ce hadith, donc de Anas, c'est passé à plusieurs de ses étudiants, de ceux qui ont pris de lui, incluant un narrateur qui s'appelle Sharik. Pas important de le connaître, on n'est pas ici pour devenir des savants de hadith, mais rappelez-vous pour une minute seulement de ce nom. Sharik. Donc, il dit, si l'imam Ibn Rajab, Sharik, dans sa narration, à travers Anas, tafarrad. Il est le seul à nous avoir rapporté ce un mot ici, que Dana al-Jabbar, que c'est Allah qui s'est rapproché du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas dans les autres narrations, ça ne dit pas que c'est Allah ta'ala qui s'est rapproché du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de un, on appelle ça la problématique de At-Tafarrud. Pourquoi est-ce que seulement c'est un narrateur qui va rapporter ce détail? Les autres narrateurs, ils leur arrivaient quoi? Ils ont oublié tous, ils se sont tous trempés. Donc là, mais en plus de ça, le sens est un peu bizarre ici. Allah Ta'ala s'est rapproché de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit l'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala wa hiya mimma unkirat alayhi fihi. Et ça, c'est parmi les critiques que les savants, ils ont dirigées envers les narrations de Sharik, quand on parle de critique, c'est pas critique au sens où les gens utilisent. Critique, ça veut dire c'est remettre en question une information que tu as transmise. C'est clair? Alors, tu as hadith ici qui parle de Kham Salawat. Après ça, tu as les savants, ils vont juste critiquer comme ça. Oh, dans une narration de ce hadith. Il y a plusieurs narrations probablement dans Bukhari de ce même hadith. Dans une seule version de ce hadith, ah, le mot Al-Jabbar, pas authentique. Est-ce que ça, ça remet en question l'authenticité de Bukhari? Non. C'est clair? C'est les savants eux-mêmes. Ces petites exceptions, les savants, ils s'en chargent. Ils sont là pour les faire sortir, pour dire que ça, ça, c'est pas normal. Donc, d'un point de vue narration, cette narration, comme on l'a dit, les autres narrateurs n'ont pas rapporté la même chose. Et aussi l'imam al-Khattabi, un autre grand savant du hadith, ici, il dit « وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسْ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ شَرِيكٍ فَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ هَذِهِ الْأَلْفَاضُ الشَّنِيعَةِ » Il dit dans les autres narrations de ce même hadith, les autres narrations, à part la narration de Sharik, ça ne mentionne pas cette, comment on peut dire ça, cette expression-là qui est répugnante, Shani'a, que Allah Ta'ala, c'est lui qui s'est rapproché de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair. Donc ça, là, c'est une erreur de quoi? De transmission. Barakallahu fik. Est-ce que ça arrive des erreurs de transmission? Bien sûr. L'erreur, elle est humaine. Ça ne remet pas en question la fiabilité d'un narrateur. Narrateur qui se trompe de temps à autre, rarement, il est fiable. C'est un narrateur fiable. Même aujourd'hui, la plus haute technologie, les programmeurs qu'on a ici, même les ordinateurs se trompent dans la transmission d'informations. Vrai ou faux? Ça arrive que même des ordinateurs, la machine, elle transmet parfois la mauvaise information. C'est un bug. Ce qui ne remet pas en question... Encore une fois, la fiabilité de l'ensemble de la chose. Donc ici, encore une fois, tout ça pour dire que ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ celui qui s'est rapproché du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril alayhi as-salam. C'est clair. Donc si vous allez lire dans certains livres, peut-être, traduction, comme tu as dit tout à l'heure, parfois il y a des gens comme ça, ils traduisent comme une sœur. L'autre fois, elle envoyait un message sur le livre de l'un des chers contemporains, mais dans la version en français, ça dit quelque chose de bizarre, d'étrange à propos d'un hadith. Mais après ça, après vérification, non seulement c'est certain, le hadith ne mentionne pas ça, mais après vérification, même dans le livre en arabe, ça ne dit pas que c'est le hadith qui dit, c'est clair. Donc parfois, même les gens qui écrivent de nos jours leur propre livre à eux, leur traduction, ainsi de suite, peuvent se tromper dans la traduction, peuvent rapporter des informations qui ne sont pas complètement fondées, ainsi de suite. Tadalla, donc ça on a déjà couvert. Wadalla al-Qur'an ala anna al-mar'iyya fi qawlihi ta'ala thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna huwa Jibril wa laysa Allahu ta'ala wa dhalika min wujuhin ahaduha anna Allah ta'ala qala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidrati al-muntaha. Entre autres, même le Qur'an, ici le contexte de ces ayats de sourate An-Najm nous prouve clairement ici qu'il ne s'agit pas d'Allah Azza wa Jalla, il s'agit de Jibril alayhi salam. Parce qu'on va voir les ayats juste après, inshallah, ça dit qu'il l'a vu une deuxième fois à Sidrat al-Muntaha. On va voir Sidrat al-Muntaha dans un petit moment, inshallah. Et là, il a vu qui? Il a vu Jibril alayhi salam, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Laqad ra'ahu, il l'a vu. Et aussi, regardez toujours les ulama, regardez l'effort que les ulama ils donnent pour aller analyser les opinions et méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il donne de temps et d'énergie pour cela. Alors ils disent, aussi pour prouver que ça ne parle pas d'Allah azza wa jalla, ça parle de Jibril alayhi salam, Allah ta'ala il a dit ici dans la description, ذو مرتين, il a المرة. On a dit que المرة الخلق الحسن المحكم, c'est la belle créature. Donc ça parle d'une créature, ça ne parle pas de Jibril alayhi salam. Ça ne parle pas d'Allah Azza wa Jalla, ça parle d'une créature qui ne peut être que Jibril alayhi as-salam et pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, ayah numéro 9, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فكان قاب قوسين أو أدنى. Il était et il était de ce fait, il était fa, ici fa, ça veut dire de ce fait, il était et après ça, il était قاب قوسين. Il était tellement proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Allah azza wa jal, pour nous donner ici une idée, comme c'est traduit ici, que il était, il fut à deux portées d'arc. قاب قوسين, أي قدر قوسين. Donc ici, qu'est-ce qu'ils disent ? هذا تأكيد إشارة إلى تأكيد القرب وأصله إلى أن الحليفين من العرب كان إذا أراد عقد الصفاء والعهد خرج بقوسيهما فألصق بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه. Il dit que, disent les علماء, que chez les Arabes, ça c'est une expression qui était utilisée. Pourquoi? Parce que chez les Arabes, lorsqu'il y avait deux Arabes qui voulaient faire alliance, je te défends et tu me défends. À faire alliance, moi et toi, entre deux individus. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun d'eux amenait son arc, l'arc qu'on utilise pour lancer des flèches comme ça, et va le coller comme ça à l'arc de l'autre. Imaginez, moi mon arc il est ici, son arc il est lui là-bas. On va les quasiment les rattacher un à l'autre, comme ça. Ça, c'est une symbolique que on est des alliés. Ça veut dire, je suis prêt à mettre mon arc, mes flèches pour toi. Et il est prêt à faire la même chose. On est très proche. Donc, c'est devenu comme une expression. قَابَ قَوْسَيْنِ قَدْرَ قَوْسَيْنِ Porté ici de deux arcs mis ensemble. Allah Azza wa Jalla leur parle avec des choses que eux ils connaissent, auxquelles ils sont habitués, ces Arabes-là, pour qu'ils comprennent que c'est vraiment Jibril alayhi salam, il est venu très très proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kana qaba qawsayni aw adna. Aw adna, c'est ou encore plus proche que ça. Le mot aw, qu'est-ce que ça veut dire le mot aw? À la base, comment vous traduisez aw? C'est ou. OK? Donc ou ici li at-takhyir, pour le choix. تذهب معي أو معه. Tu peux partir avec moi ou avec lui. Mais le mot أو aussi dans la langue arabe peut vouloir dire bel. Bel, ça veut dire encore plus. Ça veut dire qu'il était une portée de deux arcs ou encore plus proche que ça. Mais encore plus. Plutôt encore plus proche que de ça. Il était très proche du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Sa'altu Zir ibn Hubaysh an qawli Allah azza wa jalla, ici le hadith dans Bukhari et Muslim. Zir ibn Hubaysh, il dit que Ibn Mas'ud, il a dit à propos de cette ayah, فكان قاب قوسين أو أدنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. Ibn Mas'ud nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi salam, et Jibril alayhi salam, il avait 600 ailes. 600 janah. Il avait 600 ailes lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu alayhi salatu wa salam. Ça, c'est encore une fois un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Et lorsque Allah azza wa jalla, il dit qaba qawsayni aw adna, pourquoi porter de deux arcs? Ou encore plus proche que ça, certains ulama ils disent aussi littawkid, pour mettre de l'emphase. Ça veut dire laysa akthar, pas plus que deux arcs. C'est deux arcs ou encore plus proche. Ça veut dire pas plus éloigné. Oui, Ari. Mais on avait dit que dans l'ayah wa bi al a'la, on a dit que Jibril était dans l'horizon le plus haut. Oui. Et maintenant on dit qu'il était à une distance de deux arcs. Oui, parce que ça dit, n'oublie pas. ثم دنا فتدلى. N'oublie pas l'autre ayah. Allah Ta'ala il dit wa huwa bil ufuq al a'la, ثم, après ça, dana, il s'est rapproché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est suspendu du ciel comme ça était suspendu au ciel, mais il s'est rapproché du prophète Mohammed alayhi sallatu wa sallam jusqu'au point d'être si proche de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était comme ça, c'est un grand signe que Allah Ta'ala il a accordé au prophète Mohammed alayhi sallatu wa sallam. فأوحى إلى عبده ما أوحى. dans la ayah numéro 10 maintenant, Allah Ta'ala, il dit « Fa'awha » Alors, il a révélé « Awha » Encore une fois, c'est le « Wahi ». Regardez un thème qui revient souvent dans cette sourate, c'est le thème de la révélation. « Al-Wahi »« In huwa illa wahyun yuha » Ici, « Fa'awha ila abdihi ma awha » Donc, cette sourate parmi ces maqasid, les savants, quand ils parlent du tafsir, très souvent, il parle des maqas et de la sourate. Ça veut dire que chaque sourate a des objectifs, des thèmes principaux. Et si une maqas et des sourates, parmi ces maqas et de cette sourate-là, c'est de mettre de l'emphase sur le concept de l'wahi et de l'importance de l'wahi. Que la révélation, c'est quelque chose de critique à bien comprendre, la révélation. Que cette religion, ce n'est pas l'opinion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas sa culture. Vous avez les gens qui veulent présenter l'islam comme une culture ? Les moins agressifs, les plus dociles, naam, vont dire par exemple, un niqab, ça fait pas partie de l'islam. Niqab, c'est juste une culture des Arabes qui existait dans le temps. Ceux qui sont plus agressifs vont dire le hajj, le pèlerinage, non, ça c'est pas religion. Ça, c'est la culture. Les Arabes, c'est eux qui faisaient le pèlerinage. Et c'est de là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris ça. Ok? Donc ça, c'est, encore une fois, c'est de donner une portée culturelle. Ça, c'est la culture des Arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a amené que la culture des Arabes. C'est clair? Dans sourate An-Najm, Allah Ta'ala, il met de l'emphase sur ce concept-là de Al-Wahi, la révélation. Cette religion-là, c'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il dit... إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ On t'a révélé tout comme on a révélé au prophète Nuh, Noé alayhi salam, et au prophète après lui. Donc il y a eu d'autres prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas le premier à prétendre avoir reçu la révélation, le wahi. L'idée d'avoir des prophètes, est-ce qu'elle est véritable ou non? L'existence des prophètes, est-ce que quelqu'un peut renier l'existence des prophètes? Non. Il faut être un complotiste fou au point de perdre la raison. Quand on doit t'amener service pour évaluer ta raison, comme ça, voir ce que... Pour arriver à dire ça. Parce que pour dire que tous ces hommes-là, à travers l'histoire de Nuh alayhi salam, Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Daoud, Haroun, tous ces hommes-là, faisaient tous partie d'un ensemble, quelconque complot comme ça, fabriqué à travers des siècles, à travers différentes cultures et nations, ainsi de suite, pour faire convaincre aux gens qu'il y a des prophètes d'Allah, il faut être fou pour croire en ça. Et il y a des fous de nos jours, tout comme il y a des gens qui croient que les tremblements de terre, c'est causé par, un truc, ça s'appelle HARP ou je sais pas quoi, les trucs, qu'il y a quelqu'un qui a lancé un missile, qui a causé un tremblement de terre et qui a causé... Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que déjà, encore une fois, il y a une autre chose qui devient leur référence. Ça devient comme un Coran. Des gens, pour eux, c'est ça. Les théories de complot, c'est ça leur religion. Tout doit être un complot dans la vie. Il ne peut pas voir la vie si ce n'est pas un complot. Tout doit être un complot. Quelque part, il y a quelque chose... Il y a toujours quelque chose qui n'est pas comme ce que les gens pensent. Donc, l'idée des prophètes et des messagers de l'Wahi, c'est quelque chose mutaqarrir, thabitun, indiscutable. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui empêche qu'il soit un autre prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant qu'il est venu avec le même message des autres prophètes avant lui, et encore meilleur, muhayminan alayh. Le plus beau de tous ces messages, c'est celui le plus complet, le plus détaillé, c'est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est Hira, autour de Hira, autour de Mecca. Ça, c'est pas celle qui est en haut. C'est pas lors du Mi'raj. Celle du Mi'raj, elle va venir après, Inch'Allah. Non, c'est clair? Non, c'est pas dans Ghar Hira. C'est plus tard. C'est pas Ghar Hira au début de la révélation. Au début de la révélation, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ça, le prophète, ça a vu Jibril, alayhi salam, sous une forme d'un homme. Mais quelques temps plus tard, je ne me rappelle plus le temps exact mentionné dans les narrations, si c'était quelques semaines ou quelques mois, je peux pas juste vous donner comme, quelque chose comme ça, on a parlé de ça dans Sira, avec les détails, mais ce n'était pas très longtemps après. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il marche une fois proche de Hira, dans l'Arabie à l'extérieur de Mecca, lorsque il a soudainement vu le même ange qu'il a vu, mais il l'a vu sous sa vraie forme réelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, initialement, il était effrayé, alayhi salatu wa sallam. Fika barakallah. Fa'awha ila abdihi ma awha. Il a révélé à abdihi, son serviteur, à lui, ma awha, ce qu'il a révélé. Alors ici, il dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, fa'awha Jibril ila abdillahi Muhammadin ma awha. Soit que le sens ici de la ayah, c'est alors Jibril, il a révélé au serviteur, à son serviteur, ça veut dire au serviteur d'Allah, Abdullah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a révélé. Ou il dit une autre interprétation, c'est que là, ça change le fa'il, fa'il comme ça dit le sujet, l'acteur. Dans la grammaire, bien sûr, je parle ici. Le fa'il, celui qui fait l'action, celui qui agit. Fa'awha ay Allahu. Alors, il a révélé, ça veut dire Allah, il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé par l'intermédiaire de cette rencontre avec Jibril alayhi as-salam. Wa kila al-ma'nayayn sahih, il dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Les deux sens ici, ces deux sens qui sont complètement valides. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ Là, regardez quelque chose de très important ici, une clé très importante dans cette ayah. Les ulamas, ils disent دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ وَصْفَ الْإِنسَانِ بِالْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ يُعَدُّ كَمَالًا لَهُ Cette ayah est un dalil, une preuve que d'écrire quelqu'un par la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le serviteur d'Allah azza wa jal, ça c'est une qualité pour la personne. C'est une valorisation. Allah Azza wa Jal, il a décrit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un abd. Et Allah Ta'ala, il a décrit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un abd, comme un serviteur dans les scènes, les moments les plus honorables. Entre autres, on a ce moment ici, le moment de la révélation. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit al-wahi. Maintenant, il rencontre Jibril alayhi wa sallam, il reçoit al-wahi. N'est-ce pas que ça, c'est très, très important comme moment, très honorable. Et Allah Ta'ala n'a pas dit « فَأَوْحَا إِلَىٰ رَسُولِهِ » Il a révélé à son messager. Mais أَوْحَا non, il a révélé à son serviteur. Ça veut dire la servitude à Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas quelque chose qui rabaisse la personne. Bien au contraire, c'est un honneur. Ça fait monter le statut de la personne que quelqu'un soit un... Vous savez, les gens, وَلِلَّهِ تَعَالَى الْمَثَلُ الْأَعْلَى disent, tu sais c'est qui lui? Non, c'est qui? Je sais pas, qu'est-ce qu'il est lui? Non, c'est... Lui, c'est le porteur du parapluie pour le roi. Oh, c'est très grand, il est important lui. Il porte le parapluie pour le roi. Subhanallah. Les gens, ils disent que ça, c'est porteur de parapluie, juste comme ça. Mais pour le roi, ah là, ça change tout. C'est vrai ou non? Porteur de parapluie, c'est quoi? Ok. Pour le roi, il a accès au roi. Il est en contact, il est proche du roi. Ça, c'est important. Alors, celui qui fait la servitude, il est abd. Rien de spécial. Abd, de qui de? Dans Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur d'Allah azza wa jal, ah là ça change tout. Il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur d'Allah azza wa jal, là ça change tout. Là, c'est très honorable, pas plus honorable que ça. Que même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même avec son titre de messager, ça l'honore encore plus d'être un serviteur d'Allah azza wa jal et un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui ajoute quelque chose de plus. Dans l'autre aussi, l'autre moment, lors de l'Isra ou le Mi'raj. Ça, c'est dans l'autre sourate, sourate l'Isra. Allah Ta'ala, il dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi ». Allah Ta'ala, il dit qu'il a fait le Isra, le voyage nocturne, à son abd, à son serviteur. La même chose ici. L'Isra, c'était un moment merveilleux dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet événement-là de l'Isra ou Al-Mi'raj. Et Allah Ta'ala n'a pas dit celui qui a donné l'Isra à son messager, il a dit subhanahu wa ta'ala celui qui a donné l'Isra à son serviteur, à son abd. Donc la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de valorisant, c'est quelque chose d'honorable. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.